Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Guémozo pour cette nouvelle édition de L'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Bonsoir les Vosges et bonsoir l'Alsace qui vient de se manifester pour dire qu'elle écoute aussi. Très très contente de savoir qu'on nous écoute aussi dans d'autres régions. Et pour l'émission de ce soir, je l'avais annoncé tant dans mon émission d'hier soir que aussi un petit peu plus tôt dans la journée sur Facebook, on va parler d'une émission spéciale sur le harcèlement scolaire. Et pour ça, j'ai Sophie Steiner avec moi, qui est chef d'établissement. Bonsoir Sophie. Bonsoir. J'ai aussi Cosmos, des studios Airplay, qui est avec moi. Bonsoir Cosmos. Bonsoir. J'ai aussi ton papa qui est avec moi, Joachim. Bonsoir Monsieur Docarmo. Et enfin Cassandra, de À l'écoute des jeunes, avec nous. Bonsoir Cassandra. Bonsoir. Alors comme je le disais, on va faire une émission spéciale harcèlement scolaire. Alors je préfère prévenir tout de suite les auditeurs, hein. Le harcèlement c'est très vaste, ça ne se délimite pas qu'à l'école, hein. Il y a quand même beaucoup de thèmes à aborder, hein. Le harcèlement sexuel, le harcèlement au travail et d'autres, mais bon là on va se limiter au harcèlement scolaire spécifiquement, comme ça les choses sont bien délimitées. D'ailleurs, je préfère aussi dire tout de suite que l'émission est à l'origine de Cosmos, hein n'est-ce pas Cosmos? Oui, j'ai été proposé de faire cette émission. Vu que demain, c'est la journée nationale contre le harcèlement scolaire, je me suis dit que ce serait bien de briser le silence sur Radio Guémozo. Et tu as entièrement raison. Donc, ça, on va le voir au fil de ton émission. Tu es un artiste engagé spécifiquement en ce qui concerne le harcèlement scolaire, parce que tu en as été victime. Ton papa est là, forcément. Et puis, pour avoir un petit peu de poids, j'ai quand même demandé un personnel d'établissement scolaire. Donc, je suis très heureuse que vous soyez là avec nous, Sophie. Ben, je suis ravie également. Donc, on va commencer peut-être par te présenter toi à nouveau, Cosmos, si les auditeurs ne se souviennent plus de qui tu es, de ton univers artistique, plus particulièrement concernant l'engagement que tu portes. Alors, je suis un artiste engagé dans le slam. Je suis slameur. Je pratique l'art du slam. Et je suis engagé, comme on l'a dit, dans la lutte contre le harcèlement scolaire, parce que malheureusement, je l'ai subi pendant toutes mes années de collège, de la 6e à la 3e. Et en seconde, malheureusement, j'ai eu des maladies psychologiques et beaucoup de complications. Qui m'ont dit que je devais vraiment m'engager. Et suite à ça, j'ai écrit NAH qui m'a amené là où je suis ce soir. En effet, parce que tu es chanteur, je le rappelle, hein, tu as sorti un EP plus que des paroles. Oui, qui a été fait au studio Airplay Records. D'ailleurs, le président, c'est Mustapha. C'est lui qui m'a repéré, qui m'a dit « Viens dans mes studios, faut qu'on parle ». Et finalement, on s'est très bien entendu et il m'a dit « Ben voilà, je t'invite à faire un EP ». Et c'est en partie grâce à lui que ce EP existe et que mon engagement contre le harcèlement scolaire continue. Dans ce cas, big up à Mousse et au studio Airplay qui permettent à des artistes comme toi de s'exprimer, de sortir de leur coquille. Parce qu'il faut le rappeler, le harcèlement, on verra, hein, C'est un sujet très délicat et les personnes qui en sont victimes ont beaucoup de mal à sortir du silence. Alors toi, tu as énormément de courage d'être là et de ne pas uniquement témoigner, mais porter le message et essayer de toucher les autres personnes qui en sont victimes. Oui, je tiens à préciser que c'est grâce à tous les artistes du Airplay et à tous ceux qui me soutiennent, toutes les associations de lutte contre le harcèlement, que j'ai réussi à avancer. Je tiens à préciser que dans le combat contre le harcèlement, on n'est pas seul. On n'est jamais seul quand on est harcelé. D'ailleurs, on n'est jamais seul quand on est harcelé, comme tu l'as dit, et on l'a bien compris, on le verra aussi, que c'est un fléau plutôt répandu. Sophie, dites-moi, en tant que chef d'établissement, que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? À quel point, oui, c'est fréquent ? Eh bien, écoutez, en préparant un petit peu l'émission pour ce soir, je me suis penchée sur quelques statistiques. Alors, comme vous l'avez rappelé, effectivement, c'est la journée contre le harcèlement demain. Et des chiffres assez récents sont parus. Et vous parliez de fléau tout à l'heure, et je pense que vous avez effectivement raison. C'est le terme qui est complètement approprié, puisque ça peut toucher jusqu'à 12% des écoliers, 10% des collégiens. Et chez les lycéens, ça existe aussi, mais c'est un petit peu moins répandu, puisqu'on est sur des chiffres à 3,4% exactement. Voilà. Dans un établissement scolaire, c'est une vraie préoccupation, je crois, de l'ensemble des adultes de la structure. C'est quelque chose qui est présent. Quel que soit l'établissement, je pense que dans aucun établissement, personne dans aucun établissement ne peut dire qu'il n'a jamais connu de situation de harcèlement concernant ses élèves. C'est quelque chose qui est très répandu. Et malheureusement, je viens d'entendre votre témoignage et je me dis, Cosmos, que vous venez de dire que vous avez vécu ça pendant 4 ans. Et on a beaucoup de situations qu'on découvre, enfin des jeunes parlent de la situation qu'ils ont vécue sur un an, sur 2 ans, sur 3 ans, et on peut se poser la question, mais comment se fait-il qu'on soit passé à côté de cela ? Et c'est surtout ça, je crois, notre combat dans un établissement scolaire, c'est de faire en sorte que ce genre de situation ne puisse pas exister. Hein, le harcèlement est bien là, les relations entre les jeunes sont compliquées, mais pour autant, il faut absolument être vigilant sur tous les signes, parce qu'on ne peut pas se dire que ça puisse durer autant d'années sans avoir été alerté. Et pour autant, ça existe. Je ne vais pas mentir, hein, je suis tout aussi concernée et j'ai dû passer en tant que chef d'établissement à côté de situations comme beaucoup d'entre nous. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est une préoccupation, en tout cas. Hein, voilà. Mais je crois que c'est surtout dû au silence et au fait que les jeunes qui sont victimes de harcèlement doivent franchir le pas de pouvoir parler, le courage de pouvoir parler, parce que derrière le harcèlement, il y a des situations de culpabilité, de honte, et on n'a vraiment pas envie d'en parler, parce qu'on pense aussi qu'on peut régler les choses tout seul. Et ça, c'est tout un mécanisme psychologique qui est enfermant et qui peut aller jusqu'à des situations vraiment gravissimes. Voilà. En effet, merci beaucoup pour vos apports. Hein. D'ailleurs, je pense que vous avez l'air d'avoir beaucoup de notes à apporter, beaucoup de choses à nous dire. Oui, c'est quelque chose. c'est vraiment un sujet qui me préoccupe. Voilà. Et pas parce que c'est la journée contre le harcèlement demain. C'est vraiment une préoccupation quotidienne par rapport au bien-être des jeunes dans l'établissement. Ça, c'est sûr que ça fait partie de la bienveillance à leur apporter. En effet. Et comme vous l'avez dit, hein, ça peut arriver à tout le monde de passer à côté de ce genre tout de situation. Voilà. Mais dis-moi, Cosmos, comme tu as préparé un petit peu le dossier, tu peux peut-être définir pour les auditeurs ce qu'est le harcèlement scolaire pour qu'ils puissent peut-être à leur tour avoir les clés nécessaires pour identifier ce genre de situation. Oui, bien sûr. Donc le harcèlement scolaire, c'est une violence déjà, une violence qui se répète tout le temps. Donc ça peut être des insultes, des brimades, ça peut être du racisme malheureusement, et tous les prétextes sont possibles pour harceler. Que ce soit le physique de la personne, ses idéologies, sa morphologie et même son orientation sexuelle. Malheureusement, si malheureusement un garçon aime un garçon, ça va créer une situation de harcèlement qui peut être dramatique. Et le harcèlement, si ça se répète et que ça se répète, la victime ne se défend pas. Et il y a le harceleur domine justement sa victime et la victime en prend plein la figure. C'est-à-dire qu'elle se détruit, elle se tait parce qu'elle ne sait pas comment se défendre et ça peut malheureusement amener au suicide. Et avant, on ne parlait pas vraiment de harcèlement scolaire parce que quand on sortait de la cour, ça restait dans la cour. Mais malheureusement, avec Facebook et compagnie, le harcèlement continue même dans la chambre. Il ne peut pas se dire « je vais être tranquille chez moi ». Il va recevoir des insultes comme « enfoiré, machin, t'as pas le droit de vivre », que des injures, mais vraiment tout ce qui peut mettre un élève par terre. Et recevoir ça dans un endroit où on se sent protégé, c'est... L'élève, il pète un câble. Il se dit « j'ai plus rien à faire ici ». Si le monde est comme ça, j'ai plus rien à faire ici. Parce que quand on est adolescent, on est très sensible, on n'a pas vraiment une vision juste du monde. Et moi, je n'avais pas cette vision-là. Et quand on se fait harceler et que par tout le monde, parce qu'on est comme ci, comme ça, on se dit « eh ben, au travail, ça va être pareil ». Non, ça ne va pas être pareil. Mais voilà, la victime se donne cette idée-là, se culpabilise et il dit « c'est de ma faute, je le mérite ». Et c'est à ce moment-là qu'on peut arriver à des drames comme on a pu voir avec Jonathan Destin et Marion Fraisse qui... Du moins, Marion Fraisse y est restée malheureusement, mais Jonathan Destin, qui s'est immolé avec le feu, a réussi à survivre et à revivre. D'ailleurs, je le salue parce qu'il a un courage énorme, ce garçon. Et je salue aussi Nora Fraisse, qui continue son combat contre le harcèlement scolaire suite au suicide de sa fille. Il y a justement pour chacun de ces cas, il y a un film qui parle de leur histoire. Donc Marion, 13 ans pour toujours. Et justement, le film qui a été diffusé sur TF1, Le jour où j'ai brûlé mon cœur, qui parle du harcèlement que Jonathan Destin a subi. Donc là, c'est vraiment les impacts les plus forts, hein, parce que le harcèlement peut conduire jusqu'au suicide, dans le pire des cas, malheureusement. Mais tu as soulevé aussi deux problématiques importantes. Il y a le harcèlement scolaire et maintenant avec l'expansion des réseaux sociaux. D'ailleurs, je pense que Sophie, vous voyez bien que c'est un problème, ce qu'on appelle le cyberharcèlement, donc par le biais des réseaux sociaux. Dans ce cas, Sophie, dites-moi s'il y a un élève qui est victime de harcèlement au sein de l'établissement et qu'après ça continue via les réseaux sociaux, donc en dehors des grilles de l'établissement scolaire. Est-ce que c'est encore considéré comme une forme de harcèlement scolaire et est-ce que, en tant que chef d'établissement ou en tant que personnel encadrant, vous pouvez aussi essayer d'agir et de prévenir là-dessus ? Bon, en tout cas, on pourrait se dire... qu'à partir du moment où ça sort de l'enceinte de l'établissement, ça ne nous regarde plus. Ce serait choisir la facilité et peut-être se voiler la face. Alors qu'en fait, le fait que ce soit prolongé par l'intermédiaire des réseaux sociaux, l'origine est bien de toute façon à l'école. Et le fait que cet harcèlement se poursuive, je pense, regarde tout autant l'école. La famille aussi, bien évidemment, mais c'est justement ce qui rend les choses compliquées en termes de règlement de situation dans le cadre d'un établissement scolaire, puisque comme tu l'as justement dit, ça peut pas s'arrêter. Donc c'est sans cesse, c'est sans fin, et en plus, surtout, c'est beaucoup plus violent. Parce que ce qui peut être échangé par l'intermédiaire des réseaux sociaux pour avoir eu l'occasion de lire des messages, ça dépasse complètement l'entendement. C'est-à-dire que on ose franchir des limites d'injures, d'insultes, de paroles qu'on ne pourrait pas se dire en face à face. Donc ça décuple aussi le sentiment d'agression, tout ce qui est autour du mécanisme d'humiliation, d'insultes, d'injures, et ça renforce encore ce sentiment de harcèlement qui fait que ça devient à la limite de l'insupportable. Et lorsque les jeunes sont face à leur écran tout seuls dans leur chambre, c'est, je pense, une situation de solitude qui doit être vraiment très compliquée à gérer. Et avant, malheureusement, de pouvoir franchir le pas et de pouvoir en parler, j'ai envie de dire que les dégâts sont faits. Mais c'est, je crois que le harcèlement a toujours existé, cette méchanceté gratuite vis-à-vis de la différence, de l'autre qui n'est pas comme nous, parce qu'il est pas beau, ou parce qu'on le trouve pas beau, parce qu'il est trop intelligent par rapport à nous, parce qu'il a ce qu'on n'a pas, ou parce que, bref, tout ce qu'on peut avoir à reprocher à quelqu'un, on ne sait pas pourquoi. Et c'est souvent, au départ, un sentiment parfois de jalousie. Par l'intermédiaire justement de ces réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qui est encore plus renforcé, et ça c'est très compliqué pour nous de régler les situations, parce que quand on a face à nous cette situation et qu'on peut le régler dans le cadre de l'école, on ne peut plus garantir que derrière ça va s'arrêter, puisque justement cette barrière-là est franchie. Donc ça rend les choses, en termes de règlement de situation et de prise en compte de la situation, beaucoup plus compliquées que ça n'était avant. Voilà, ça c'est clair. C'est un facteur aggravant. Ça se comprend en effet, et on va parler dans quelques instants peut-être des mécanismes à repérer et aussi de l'impact que ça peut avoir sur la famille. D'ailleurs, si quelqu'un veut témoigner, n'hésitez pas, la ligne est ouverte, c'est le 03 29 62 40 40. En attendant, on va s'écouter un premier morceau de toi, Cosmos, morceau intitulé 13, qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. J'ai senti comme un coup de poignard. J'ai pleuré devant ton histoire. Le point commun entre nous deux, c'est qu'on a vécu le désespoir. Les insultes continuaient sans cesse, seul devant ton ordinateur. Face à la peur tu te cachais, tu te vidais de tes pleurs. Puis un jour tu es parti, laissant ton corps sans vie. Dans ta main tes derniers mots, où tu racontais tous tes mots, tous tes mots, tous tes mots, tous tes mots. Ça s'est passé le 13 février. Jamais. Tes parents se sont battus pour que la vérité émerge et qu'elle soit enfin entendue. Les ravages du harcèlement scolaire doivent être combattus. À l'école, sur internet, les langues sont parfois détendues. Les insultes, les intimidations, un cocktail qui a provoqué une explosion. Certains feraient bien de se poser quelques questions. Les actions ont toujours une répercussion. Malgré le silence coupable de certains, Marion, tu n'es pas morte pour rien. Malgré le silence bruyant de certains, Marion, tu n'es pas morte pour rien. Ça s'est passé le 13 février 2013, 13h, Marion, 13 ans, tu nous as quittés le 13 février 2013, 13h, Marion, 13 ans, ça s'est passé le 13 février 2013. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez témoigner, n'hésitez pas, la ligne est ouverte. Hein, ça passe par le 03 29 62 40 40 pour cette émission spéciale lutte contre le harcèlement scolaire avec Sophie Steiner, Cosmos, son papa et Cassandra. Alors avant la pause musicale, on avait, on a abordé différents thèmes. Hein, après tout, c'est un gros dossier. Et comme je l'avais dit, Cosmos, ou peut-être Sophie, hein, ça dépend de qui se sent, ce serait peut-être bien, alors maintenant qu'on sait ce qu'est le harcèlement vu qu'on l'a défini, donner les différents, les moyens de repérer en fait une situation de harcèlement. Je vais peut-être laisser Sophie un petit peu parler, Cosmos. Oui. Alors les signes qui sont à repérer chez les élèves, c'est les changements de comportement. Chez un élève qui est classiquement joué, qui va bien et qui tout d'un coup se renferme, s'isole, oublie ses affaires, se fait remarquer, adopte une attitude qui n'est pas celle qu'il avait adoptée jusqu'à présent, devient un peu agressif, parfois irrespectueux et en gros sur la défensive. Donc ça fait partie des signes. Les adolescents sont, parce qu'ils ne savent pas forcément vers qui se tourner et mettre des mots sur des situations qu'ils vivent, sont quand même très transparents dans ce qu'ils nous donnent à voir. Et je crois qu'en tant que personnel d'éducation, on doit être sensibilisé à tout changement. Alors il n'y a pas forcément une situation de harcèlement derrière, mais en tout cas, ce sont des signes qui nous font penser qu'il y a un problème et qu'il faut qu'on s'intéresse à ce problème. Et que, alors fort heureusement, deux fois sur trois, on arrive à régler la situation. Et il y a effectivement quelque chose, mais qui n'a pas de caractère de gravité. Et puis, grâce à ce repérage, et ben, on peut mettre le doigt aussi sur des situations inquiétantes qui nécessitent qu'on en parle et qu'on les règle et qu'on en discute et qu'on essaye de trouver des solutions. Donc ça, partir du principe qu'un adolescent n'ira pas forcément en parler, et c'est à nous les adultes d'aller vers ça, de devancer ça. Enfin, je pense que c'est une posture d'adulte qu'il est important d'adopter systématiquement, quitte à s'alerter pour rien. Vaut mieux s'alerter pour rien que de ne pas s'alerter. Voilà. Et comme on a parlé des adultes, donc il y a d'un côté le personnel encadrant et enseignant, et d'un autre côté il y a les parents. Mmh. Alors oui. Joachim, dites-nous si vous vous êtes rendu compte de la situation dans laquelle votre fils était. Absolument pas. Le fait que Maxime ait été harcelé à l'école, ça nous est passé sous le nez, pour dire les choses simplement. Pardon. Parce que quand on allait le chercher à l'école, on lui demandait « ça s'est bien passé ?» Oui. Comme si effectivement rien ne s'était passé. Alors que dans la journée, il avait pris des coups de pied dans le ventre ou des choses comme ça. Chose qu'il m'a avouée il y a quelques semaines seulement. Donc quand on apprend ça des années après, on tombe sur sa partie charnue, n'est-ce pas? Et on tombe des nues. Et pour en revenir au harcèlement, cyberharcèlement dont on parlait tout à l'heure, ma fille a eu un truc un peu du même genre, un énergumène, elle l'avait photographié dans l'enceinte de l'établissement, et puis elle s'est retrouvée avec les photos qu'il avait prises sur Internet, avec des commentaires gratinés, et heureusement, elle m'en a parlé, je lui ai dit d'imprimer la page en question, puis d'aller voir l'équipe de direction à ce moment-là, et les sanctions ont été prises, ça s'est arrêté là. Heureusement qu'elle m'en a parlé. Si elle n'en avait pas parlé, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Maxime, lui, il a subi ça pendant 4 ans. Pendant 4 ans, en dehors de l'école, on n'a rien vu. Il a fallu qu'un beau jour, on m'alerte au travail en disant « Ton fils est à l'hôpital, il est aux urgences, faut que tu y ailles ». Ça fait drôle. J'imagine. Donc on laisse tout en plan, on y va, puis les médecins vous disent, votre gamin, il a fait une TS. C'est quoi une TS ? C'est une tentative de suicide. Ah, ça fait bien, ça. Ça refroidit. Et puis bon, après, en discutant un peu plus avec les psychologues, en fin de compte, c'est ce qu'ils appellent une crise d'angoisse hyperaiguë. Oui, mais ils appellent ça autrement aussi, c'est un appel au secours. Un appel au secours, oui. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même un drôle d'appel au secours. C'est un mécanisme... chez les adolescents, c'est pour ça que c'est important de bien les connaître. Et c'est tous les signes, finalement, autour qui doivent nous alerter, nous aiguiller. Et pourtant, même si on est attentif à ça, on peut passer à côté. Oui, moi je... On peut passer à côté parce que l'adolescent peut ne pas avoir envie d'en parler et s'enfermer dans cette situation en pensant que ça va un jour s'arrêter ou qu'il arrivera à régler les choses, qu'un jour, finalement, ça va finir et que ses harceleurs vont s'occuper d'un autre et qu'il sera tranquille. Et puis surtout, je pense que vis-à-vis des parents, l'adolescent n'a pas forcément envie de... a une gêne d'en parler et a peur aussi de blesser ses parents. Il y a aussi ce sentiment-là, du regard aussi qu'on peut avoir, ou de blesser ou de décevoir ses parents, ou de décevoir l'adulte, hein, quel qu'il soit. Et c'est vraiment... C'est pour ça que la connaissance de tous ces mécanismes et qui fait que des ados ne souhaitent pas en parler, c'est important en termes d'accompagnement au niveau des personnels dans les établissements scolaires. Hein. Voilà. Ça, oui. C'est quelque chose... Le plan contre le harcèlement date de 2013. Et on est en 2018 aujourd'hui. Et pour autant, on continue à connaître des situations graves qui perdurent. Et c'est vrai que ça aussi, ça pose question, puisqu'on a les outils. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on n'est pas formé, qu'on n'est pas au courant. On a les outils. On a des tas de documents. On est à la radio, mais je les ai là sous les yeux. Cosmos, tu as les mêmes. Hein, on a la plateforme non au harcèlement. Donc n'importe quel personnel, n'importe quel adulte, n'importe quel parent peut aller chercher tout ça. Et je pense que quelque part, il y a une posture aussi de l'adulte à voir. Et puis, je crois aussi que peut-être une des solutions, c'est d'agir en amont et peut-être de travailler avec les jeunes sur tout ce qui est le développement de ce qu'on appelle les compétences psychosociales et de faire en sorte qu'on les amène à s'accepter, à s'apprivoiser quelque part les uns les autres en travaillant avec eux sur les relations interpersonnelles. Et puis ça c'est des actions qu'il faut absolument mener, je pense, à l'école. C'est le rôle de l'école, me semble-t-il. Voilà. Je pense que c'est un rôle que l'école devrait avoir, mais qui depuis un certain nombre d'années, me semble-t-il, a été pour certains un petit peu oublié. Oui, mais je pense que dans certains endroits, on est en train de réaliser que c'est effectivement sur un travail sur les relations entre les élèves peut être quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on pourra éviter ce genre de situation. Voilà. Et le dialogue. J'espère qu'on y arrivera, puisque quand on voit des situations, ça n'a rien à voir avec le harcèlement, encore que je ne sais pas, l'élève qui menace son professeur avec une arme factice, pour en arriver là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans l'éducation. Parce que je me rappelle d'une époque où, quand on manquait de respect à un professeur, je ne suis pourtant pas excessivement âgé, l'élève se retrouvait 4 heures de colle, voire une semaine complète collée, et il y revenait rarement deux fois. Aujourd'hui, je ne sais pas comment que ça se passe. Ça, c'est le rapport à l'autorité, à la sanction. C'est peut-être l'objet d'une autre émission, d'ailleurs. Ah oui, pourquoi pas. Mais on a entendu Joachim qui disait à quel point ça pouvait avoir en effet un impact. Cosmos, tu avais aussi, tu es très documenté, hein, tu as quand même préparé quelque chose. Que les auditeurs puissent se mettre un petit peu en perspective sur l'impact en fait, que ça a sur les victimes de harcèlement, parce que ce sont clairement des victimes. Est-ce que tu peux peut-être dire aux auditeurs jusqu'où ça peut aller. Les impacts du harcèlement sont vraiment énormes. Hein. On a parlé déjà du suicide. c'est le cas le plus grave. Mais on a aussi des cas de troubles psychologiques, comme par exemple le fait qu'il ne soit plus sociable, qu'il se renferme sur lui, ou des troubles idéologiques, il va se faire une fausse idée, et il ne va pas vraiment avoir une image juste du respect de la personne. Et d'ailleurs, j'ai un document qui le montre bien. Donc, dans 66% des cas, ils disent qu'il n'y a rien à signaler, mais il y a du harcèlement, mais on ne sait pas pourquoi. Dans 33% des cas, il y a des idées suicidaires. La victime va avoir des idées suicidaires parce qu'elle ne se sent vraiment pas bien. Le cœur en prend plein la figure. Ou 23% des cas, ils se sentent souvent ou très souvent déprimés. Et je le confirme, quand on est harcelé, on est très déprimé, on n'a plus envie de vivre. Je pense que quand on est harcelé, on tombe tout de suite dans la dépression. C'est même un symptôme du harcèlement. Un signe du harcèlement. Quand on voit que l'élève est déprimé, on peut se dire, tiens, il y a peut-être du harcèlement derrière. Dans 16% des cas, il n'y a jamais ou rarement le moral. C'est-à-dire que la victime va perdre un moral, mais pour faire des choses, elle ne va pas avoir envie d'aller à l'école, pas avoir envie d'aller en sport, par exemple. Mmh. Ou d'autres matières qui avant lui plaisaient peut-être. Ne pas avoir envie de prendre la parole devant tout le monde. Oui, voilà. Hein. Voilà, ça fait partie des symptômes aussi. Hein. Et malheureusement, dans 11% des cas, on a justement le passage au suicide. Mmh. Et y a eu malheureusement des cas où des élèves sont restés, sont morts, et après on apprend qu'il y a justement eu des situations de harcèlement, mais vraiment horribles. Et d'ailleurs, en France, on a de la chance d'avoir cette prévention contre le harcèlement, mais en Amérique, le harcèlement fait partie de l'éducation. J'ai appris ça en Amérique, c'était harcelé, c'est normal. Il y a les geeks et les non-geeks. Et moi, je dis non, c'est pas ça. La vraie vie en société, c'est le monde, c'est nous. Comme je le chante dans mon EP, le monde, c'est nous, c'est notre story. J'ai une question. Je voulais savoir si à l'heure actuelle, tes harceleurs s'étaient rendus compte du mal qu'ils t'avaient fait et si ils s'étaient présentés des excuses, parce que ton album, tu l'as sorti en rapport à ça. Et peut-être qu'en l'écoutant, ils se sont dit on a peut-être été un peu trop loin, quoi. À ma première scène au Palais des Congrès, où j'ai chanté pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage, il y a eu des harceleurs qui sont venus en pleurs et qui m'ont dit mais on savait pas ça, on voulait vanner. Et moi j'ai dit un gros bisoutage alors, hein. Et après ils m'ont dit, et j'ai appris ça, mais c'est telle personne qui m'ont dit quoi. Et je suis tombé par terre, parce qu'il n'y avait qu'une personne qui était à l'origine de tout mon harcèlement, parce qu'il me détestait vraiment. Je ne vais pas dire son nom, mais cette personne disait, si tu veux me faire plaisir, va harceler lui. Si tu veux rentrer dans mon groupe, va harceler lui. Donc en fait, il profitait de la faiblesse des autres pour les attirer dans son groupe, entre guillemets. Oui, pour voilà. Harceler toi. Alors, heureusement, le harcèlement, les élèves harcèlent pour se faire accepter par un meneur. Ouais, c'est ça, c'est un meneur. Et ce meneur en question me détestait tellement. Pour exister auprès des autres et oui, voilà. C'est de la manipulation. Reconnu, entre guillemets. C'est de la manipulation. Et il y a l'effet de groupe. C'est ça, c'est beaucoup. Et on peut être amené à finalement nuire aux autres. Pas parce que fondamentalement, individuellement, on est dans cet état d'esprit-là, mais simplement parce qu'on fait partie d'un groupe, qu'on veut être reconnu dans ce groupe, et que du coup, parce qu'il y a de la pression, hein, et qu'on fait pression sur nous, et qu'on sait que si on ne va pas jusque-là, ben, on va être aussi mis au banc des accusés, on sera isolé, on sera malmené, on sera peut-être harcelé aussi à son tour. Donc du coup, c'est aussi une manière de se protéger. Et du coup, on fait subir des choses très détestables aux autres, simplement pour rester dans le groupe et être tranquille. Et ça aussi, c'est des choses à identifier dans des situations de harcèlement. C'est pour ça qu'il faut toujours... Je pense que ça nécessite de prendre du temps. Ouais, de défiler tout, en fait. Pour vraiment bien comprendre la situation, identifier les responsabilités, et puis s'occuper à la fois des responsables, de la victime, et de mettre en place des médiations. Trouver le leader aussi. Oui, tout à fait. C'est vraiment... C'est un petit peu l'effet mouton, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Pour vouloir plaire à quelqu'un, ben on va briser la vie de quelqu'un d'autre. C'est quelque part un détestable. On a besoin d'exister. C'est tout à fait ça. Même si c'est jusqu'à faire des choses finalement contre son gré et contre lesquelles on n'est pas d'accord, quoi. Mais comment, je me rends compte en réfléchissant que j'avais quand même une force incroyable en moi, parce que des personnes disaient: tu serais capable de faire mal à cette fille? Je disais ben non. Alors ils me disaient: mais t'es une tapette? Alors ben non, je respecte. Ils m'ont dit: c'est quoi le respect? Alors je lui dis: cherche dans le dictionnaire. Alors il dit: ah non, je cherche pas dans le dico, je suis le meilleur. Ben, je pense qu'à l'heure qu'il est, il est au plus bas maintenant. Le dico, c'est pas fait pour les chiens. Voilà. Je n'ai aucune haine envers mes harceleurs, mais si mes harceleurs ont compris que ce qu'ils ont fait est mal, ben, pour moi, ils s'est répenti. Donc, je n'ai aucune haine à n'avoir envers ces gens-là. Et je ne vais pas leur dire. Dans les impacts que tu as mentionnés tout à l'heure, il y a quelque chose qui est un effet aussi dévastateur, c'est le fait de ne plus pouvoir fréquenter un établissement scolaire. Oui, voilà. Hein? Et quel que soit l'établissement scolaire, on a du mal d'en franchir les portes parce que justement, on a peur de vivre ce genre de situation. Alors, cette trouble s'appelle la phobie scolaire. Tout à fait. Et. Ça prend des ampleurs énormes parce que j'en ai parlé avec des personnes sur Facebook, parce que j'aide des victimes sur Facebook sur mon compte personnel. Et il y en a une qui m'a dit: mais j'ai arrêté l'école parce que justement j'ai peur d'aller à l'école. Et pour moi, avoir peur d'aller à l'école, c'est le plus gros fléau qu'on puisse avoir, parce que l'éducation, ça aide à construire les élèves, à avoir une vision juste du monde et pouvoir avancer. Et interdire l'éducation, et ben, ça amène à des gros problèmes humanitaires. Mais en fait, dans le phénomène de phobie scolaire, ça veut dire qu'on associe finalement tout ce qui est de l'ordre du harcèlement à l'école, et quel que soit l'établissement, on a peur d'en franchir les portes parce qu'on a peur aussi de revivre la situation, quel que soit l'établissement. On perd un petit peu de vue la réalité des choses et on n'arrive plus à relativiser. Donc on préfère, c'est une stratégie d'évitement et on se protège, bien évidemment. Hein, voilà. Donc ça aussi, c'est un phénomène qui fait partie des effets vraiment très, très dévastateurs. Oui, dans tous les cas, ça n'empêche pas qu'on continue de lutter contre le harcèlement comme on le fait ici dans cette émission, comme toi tu le fais dans tes albums, comme vous le faites dans votre établissement, vous et les autres bien entendu. On dit tous non au harcèlement, d'ailleurs NAH c'est le titre de la pause musicale suivante qu'on va s'écouter, toujours de ton EP Plus que des paroles, et on se retrouve juste après. Longtemps dans mon cœur, j'ai gardé ce mal-être que j'ai trimballé avec moi lorsque je croisais les traîtres. Aujourd'hui, j'ose en parler de ces années d'enfer. Trop d'enfants à l'école et sur internet ont souffert. Descendant d'un métissage, on m'appelait le bâtard. Voilà pourquoi moi-même, j'avais ce coup de poignard. Je pouvais pas garder la tête haute comme je pensais, car trop d'injustices en ces années se sont accumulées. Les insultes te font mal car tu crois qu'elles ont raison. Faire du mal pour le sourire est-elle une bonne raison? Tous ces visages noircissent à force d'être souffre-douleur. Tu te caches pour vider ton sac de pleurs. Toi qui souffres tous les jours, tu aimerais en finir. Mais quand tu t'approches du collège, tu entends déjà les fous rires. Garde confiance en toi, je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça que maintenant, je veux que ce soit toi qui parle. Ces gens qui souffrent en ce moment, tous les gens qui souffrent, je dis non au harcèlement. Pour rendre ce monde meilleur, pour le rendre meilleur, je fais exprimer les cœurs, exprimons nos cœurs. C'est à toi que je pense, petit, c'est à toi qu'on pense. C'est pas toujours vrai ce qu'on dit. Si personne veut t'écouter, si personne t'écoute, viens, je saurai t'aider. On sera toujours là. Quand je repense aux grands qui se sont suicidés, Mathéo, Bruno, Marion, Fraisse, je me dis là c'est décidé. À force de coffrer tant de haine dans un si petit corps, j'ai remarqué qu'avec le temps, j'étais moins fort. Ouvrez les yeux, juste un instant. Dans les écoles, c'est pas un seul, c'est plusieurs enfants. Nora, je pense fortement à ta fille. En écrivant ce livre, tu lui as confié une autre vie. Virginie, ton fils reste à jamais dans nos esprits. Je rends les gens heureux et comme lui j'écris. Gardons la tête haute pour faire vivre nos enfants. On fera tout pour braver le harcèlement. Je m'adresse à la direction des collèges. Je m'adresse aux académies, aux écoles et aux universités. Si vous faites la sourde oreille, un jour ou l'autre, vous allez le regretter. Pour tous ces gens qui souffrent en ce moment, tous les gens qui souffrent, je dis non au harcèlement. Pour rendre ce monde meilleur, pour le rendre meilleur, je veux faire exprimer les cœurs, exprimons nos cœurs. C'est à toi que je pense, petit. C'est à toi qu'on pense. C'est pas toujours vrai ce qu'on dit. Si personne veut t'écouter, si personne t'écoute, viens, je saurai t'aider. On sera toujours là. On doit se manifester, dire nos droits, mais que la violence doit être dispensée. Aider les suicidaires, je sais ce que c'est. Après 3 tentatives, je connais bien cette misère. Ne rejetez personne, ce n'est pas le physique qui va définir la personne. Regardons-nous dans les yeux, on est tous pareils. Pourquoi on s'entretue comme des gueux? L'homme a appris à haïr, mais il peut apprendre à aimer. On a le poing levé comme Nelson Mandela. Gardons le sourire pour avancer. Prenez votre stylo, tous ensemble on va écrire ce qu'on a vécu étant ado. Défendons la justice, ensemble on va aider les élèves du monde qui sont dans le précipice. Pour tous ces gens qui souffrent en ce moment, tous les gens qui souffrent, je dis non au harcèlement. Pour rendre ce monde meilleur, pour le rendre meilleur, je veux faire exprimer les cœurs, exprimons nos cœurs. C'est à toi que je pense, petit. C'est à toi qu'on pense. C'est pas toujours vrai ce qu'on dit. Si personne veut t'écouter, si personne t'écoute, viens, je saurai t'aider. On sera toujours là. Pour tous ces gens qui souffrent en ce moment, tous les gens qui souffrent, je dis non au harcèlement. Pour rendre ce monde meilleur, pour le rendre meilleur, je veux faire exprimer les cœurs, exprimons nos cœurs. C'est à toi que je pense, petit. C'est à toi qu'on pense. C'est pas toujours vrai ce qu'on dit. Si personne veut t'écouter, si personne t'écoute, viens, je saurai t'aider. On sera toujours là. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez témoigner, n'hésitez pas, la ligne est ouverte. Vous pouvez passer par le 03 29 62 40 40 ou aussi par la page Facebook. C'est vrai que là, j'ai tout le dossier de Cosmos sous les yeux. Comme je le disais, hein, vous l'avez bien entendu à travers cette pause musicale, on est dans une émission spéciale lutte contre le harcèlement scolaire, comme je le disais, hein, vu qu'il y a d'autres formes de harcèlement. D'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'autres émissions. Mais bon, là, on est dans le harcèlement scolaire. Et d'ailleurs, Cosmos, dis-moi, ce morceau, tu m'as dit, il n'est pas tout jeune, c'est ça? Il a été créé, du moins, en 2016. Et il y a eu une approche en 2013, quand j'ai commencé à écrire du rap. Et comment? C'est le nom harcèlement m'a lancé un peu dans le rap. Et après, en 2016, j'ai découvert le slam avec Grand Corps Malade et j'ai tourné autrement ce texte et ça a donné NAH. Et n'y a pas eu de représailles à ce moment-là quand tu as présenté ton texte? Malheureusement, oui. En 2013, j'ai voulu le présenter devant la classe. Après beaucoup de brimades, je me suis dit en musique, je vais essayer de faire ça. La prof de musique a aimé, d'ailleurs elle a gardé le texte, le tout premier texte, et malheureusement dans les casiers on m'a dit « si tu chantes ça, on te fait la peau, t'as pas le droit de chanter ça, t'es qu'une merde ». Alors qu'en fin de compte j'ai réussi à avancer et le voilà en CD. Et je pense que c'est un exemple pour toutes les victimes de harcèlement. Si on vous dit que vous avez pas le droit de continuer le rêve, ben, ça veut dire qu'au fond d'eux ils le sentent, alors continuez. Foncez vers vos rêves. Les merdes ne sont pas là où on le pense, je pense. En effet, pour reprendre le vocable utilisé. Mais vous avez raison, Joachim. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé alors des victimes et d'identifier les situations. Mais on n'a pas encore parlé des harceleurs, des agresseurs. Alors dites-moi, Sophie, si j'ai bien compris, il n'y a pas spécialement de profil type de harceleur? Non, non, non. Si c'était le cas, ça serait peut-être plus commode pour régler les situations et surtout les anticiper. Je pense que n'importe quel jeune qui a envie d'en découdre avec d'autres peut à un moment donné franchir la limite et se transformer en harceleur, peut-être même parfois par des situations qu'il dépasse. Je pense que c'est surtout, faut que je me fasse accepter, faut que ça s'arrête, oui. Et du coup je me lance dans le... Il y a peut-être une volonté d'exister, de se faire remarquer de cette manière-là, de prendre le pouvoir. Moi je pense que c'est ça, c'est prendre une emprise, regarder, oui, je vous fais peur. Oui. Je pense que de faire pression, d'avoir ce pouvoir, de contrôler un peu la vie des autres et d'en faire un petit peu ce qu'on veut. Hein. Mm-hmm. Mais en tout cas, avec la volonté manifeste de nuire à l'autre. Et enfin, ce qui est terrible, c'est ça va jusqu'à l'humiliation, de faire vivre. Enfin, il y a une certaine forme de jubilation, de faire vivre à l'autre des situations d'humiliation extrêmes. Et c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que les harceleurs, ils ont peut-être déjà en fait un mal-être eux. Probablement. Et peut-être qu'en fait, ils rejettent leur mal-être et leur peine sur les autres. Je pense pas forcément. Je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui sont... Il y a quelque chose qui fait pour qu'ils pourrissent les personnes. Aussi. Oui, il peut y avoir des sadiques, mais je pense qu'aussi, il y a des personnes qui ont de la haine en eux et il faut qu'ils le sortent et du coup, ils s'en prennent aux plus faibles qu'eux. C'est vrai que quand on creuse un petit peu le sujet et qu'on essaye de comprendre et d'aller un petit peu au-delà, quand on prend en charge les situations de harcèlement et qu'on accompagne... au-delà de poser des sanctions bien évidemment, mais d'essayer aussi de faire réparation, on peut effectivement trouver dans les harceleurs des gens qui parfois eux-mêmes finalement, ont déjà été harcelés et qui reproduisent la peine. Ça c'est quelque chose aussi qui existe, hein, qui reproduisent des schémas de violence et de comme si quelque part ils avaient envie aussi une de faire payer aux autres aussi, ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Mais c'est effectivement quelque chose d'assez diversifié, d'assez compliqué à traiter. J'ai plus rien. Ah, on a un souci technique par rapport au casque. Ah, Mika est en train d'intervenir pour voir si ça se règle. Ah, voilà. Ah, c'est bon. Merci beaucoup, Mika, pour ton intervention. D'ailleurs, il y a des auditeurs libres dans la salle. Donc, si à un moment, vous voulez venir assister à une émission sans pour autant parler dans les micros, vous pouvez sans problème. On se trouve aux 8 places de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Alors, on a parlé, de plein de choses, hein, des mécanismes, des définitions, même des agresseurs, parce que c'est quand même une forme d'agression, je pense que je peux me permettre d'utiliser le terme. Et il y a en effet des cas où c'est très triste, où ça finit par des suicides dans le pire des cas. Mais il n'empêche qu'on en parle maintenant, on en parle de plus en plus. Et d'ailleurs, Cosmos, tu as vu que c'est un sujet traité quand même dans différents type d'art, on va employer le terme comme ça. Alors dis-moi, quelles sont les œuvres, hein, ça peut être littéraire, cinématographique, musical, etc., qui traitent de ce sujet? Alors tout d'abord, j'ai vu que le harcèlement scolaire était traité dans des livres, parce qu'en 2013, j'ai eu la chance d'étudier La cicatrice de Bruce Lovery, et ça parle d'un élève qui a un bec de lièvre, et qui a été harcelé justement par ses élèves, par ses camarades de classe, parce que justement il avait ce bec de lièvre. Et ça se passe en Amérique, cette histoire se passe en Amérique. Et j'ai trouvé cette histoire très passionnante, que je l'ai étudiée dans le cadre d'un TPE pour le bac français, en plus d'une autre œuvre qui s'appelle Ma réputation de Gail Ayerman, où ça parle d'une fille qui est harcelée dans son école et qui est aussi harcelée par Internet, toujours dans un harcèlement sexuel et scolaire à la fois. Et je vous conseille de lire cette œuvre. Et sinon, il y en a une qui a été créée dans ce département, mais qui m'a vraiment frappée parce qu'elle a été violée dans son collège. Je dis bien, elle a été violée dans son collège. Alors, ça s'appelle Silhouette noire et l'auteur s'appelle Elena. Et le livre a été édité par les éditions Qui vivra verra de Gérald Banzet. J'ai eu la chance de le rencontrer à l'instant présent et il m'en a parlé de cette histoire qui m'a vraiment fait froid dans le dos parce que je n'ai pas compris comment on peut violer une fille dans un collège. Et sinon, il y a le livre Condamné à me tuer de Jonathan Destin, où vous avez vu l'adaptation sur TF1 Le jour où j'ai brûlé mon cœur. 14 ans harcelé de Mathilde Monet, je le recommande, même si c'est un gros pavé que quand on voit le livre, on se dit mon Dieu, on ne pourra pas lire tout ça. c'est vraiment prenant la maturité qu'elle utilise pour exprimer le harcèlement. Et Marion 13 ans pour toujours, qui est pour moi la bible du harcèlement scolaire, c'est le livre qui a tout déclenché. J'aime les autres, de Catherine Verdier, qui parle un petit peu de... Elle analyse le harcèlement de manière psychologique, et il y a eu beaucoup de réponses à mes questions, et je le recommande vivement de lire ce film. Ou sinon, comme fiction, on a La fille seule dans le vestiaire des garçons, du Hubert Benkemoun, et On n'a pas poignardé ma jeunesse, de Stéphanie Vicente, et j'ai eu la chance de correspondre avec elle sur Messenger, d'ailleurs on est amis, et je lui fais un petit coucou si elle m'entend dans le micro. Et on a réussi à adapter cela avec des BD, d'ailleurs les BD sont récentes. On a Lily est harcelée à l'école, des éditions de Max et Lily, donc Max et Lily est très connu parmi le jeune public. Ouais, et oui. Seule à la récré d'Anna et Blose. Je recommande de le lire parce que vraiment on arrive à traiter le harcèlement avec humour, ce qui est très difficile. De faire rire avec le harcèlement, c'est très difficile. Et il y a aussi les films Marion 13 ans pour toujours, que tout le monde connaît ici, et Le jour où j'ai brûlé mon cœur, qui a été diffusé récemment. J'ai une question encore. Je voulais te demander comment tu fais pour pas avoir de haine en fait envers tes agresseurs. Parce que moi, je crois que je leur en voudrais toute ma vie, quoi. Et je leur souhaiterais encore pire que ce qu'ils m'ont fait, en fait, clairement. J'ai toujours suivi l'exemple de Mandela. Mandela et Gandhi, parce que mon père admirait ça. Et je me suis dit, je vais ressembler à lui pour que ça lui plaise. Et il me disait, n'utilise pas la violence. Non, mais là, c'est trop de bonté, je dirais. Non, même, mais hein. Même quand j'en parlais à mon père, il m'a dit, mais pourquoi tu les as pas tapés? Et j'étais un peu déçu, parce que pour moi, le côté humain, c'est de faire face... Même si tu t'en prends tout dans la gueule et que tu te relèves, au moins tu montres que tu existes. Mais ça continue, c'est ça le problème, c'est que tu te relèves et ça continue, quoi. Même si ça continue, il faut dire non, non, et que jusqu'à ce que la haine dise, mais comment il fait. Mais c'est parce qu'on fait avec le cœur, même si mon cœur en a tout pris, plein la figure, qui se disait, je veux plus battre, et ben non, faut continuer à battre. Je suis né dans l'amour, je vais mourir dans l'amour. Gandhi et Mandela ont quand même bien réussi, non? Oui, c'est vrai. Gandhi a obtenu l'indépendance de l'Inde et Mandela la chute de l'apartheid quand même. Et ils s'en sont pris tous les deux. Donc, quelque part, ça marche. En effet, parce que comme on le disait, la réponse à la violence n'est pas forcément la violence. Oui, voilà. Même au contraire, toi, ta réponse à toi, c'est la musique. D'ailleurs, il y a différents artistes aussi qui ont traité du harcèlement. Oui, voilà, dont Indochine avec College Boy. D'ailleurs, le clip a fait polémique en 2013. Parce qu'il est très violent, je déconseille au jeune public de le regarder. Sinon, il y a Numb de Linkin Park. D'ailleurs, je ne savais pas que ça traitait de harcèlement. J'ai vu le clip et je me suis dit, ah oui, ça parle de ça. Et après, il y a Make It Stop de Rise Against, je crois que ça se dit comme ça. Et ça, vraiment, ça parle de harcèlement. Le clip parle de harcèlement. On a Petite Emily de Kinvey, qui est vraiment bien fait. Ça parle du harcèlement et de la destruction de manière chronologique. On a Mots d'enfant de Patrick Bruel et du rappeur La Fouine, que vraiment je recommande, ça parle du cyberharcèlement, et les textes sont vraiment... Le texte est vraiment bien fait, il explique bien. On a aussi Hurt de Mika, qui est un clip où on voit trois adolescents qui font face au harcèlement, et la fin est vraiment très positive. La fin du clip est très positive. Donc voilà, beaucoup, beaucoup d'œuvres. D'ailleurs, j'ai envie qu'on s'écoute l'une d'entre elles, mais j'ai du mal à choisir. Alors, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a une œuvre qui lui tente plus que d'autres? Je pense que ce serait bien d'écouter Indochine College Boy, parce que c'est ce titre qui m'a dit « faut que je me lance là-dedans ». Parce que je ne pensais pas qu'on pouvait parler du harcèlement avec une œuvre comme ça, et c'est ça qui m'a lancé. Finalement, je me suis mis dans le rap, mais c'est un groupe de rock qui m'a dit « vas-y ». Donc, Adjugé vendu, c'est College Boy qui est un petit peu à l'origine de ta prise de conscience et de ta prise de parole. On s'écoute ce morceau tout de suite et on se retrouve juste après. J'apprends d'ici que ma vie ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur vie si tranquille pour ces gens. I want to see you. J'aime pourtant tous leurs beaux mots, mais leur monde ne m'aime pas. si différent pour ces gens. Quand je serai sûr de moi, un petit peu moins fragile, ça ira. I want to see you. De retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau College Boy de Indochine, toujours dans une émission spéciale lutte contre le harcèlement scolaire, bien entendu. Et si vous voulez témoigner, vous pouvez toujours au 03 29 62 40 40, parce que j'ai exceptionnellement décidé d'étendre l'émission d'un petit quart d'heure de plus pour au moins traiter un petit peu toutes les thématiques qu'on voulait traiter, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'une heure ne suffit malheureusement pas, mais comme on est dans la lutte contre le harcèlement, vu qu'on est toujours avec Sophie Steiner, chef d'établissement, Cosmos, artiste chez Airplay, Joachim, son papa, et Cassandra qui vient de chez nous pour son émission À l'écoute des jeunes. Sophie, donc, on discutait un petit peu en antenne, et la lutte contre le harcèlement, ça passe avant toute chose, j'imagine, par la prévention. Oui. Le mot prévention est, je crois, dans cette situation de harcèlement, quelque chose, un mot incontournable, et une situation incontournable. Et je pense que le gros travail de prévention à faire, c'est de permettre aux jeunes de réfléchir ensemble, à la vie ensemble, et de pouvoir développer chez eux des compétences qui vont leur permettre d'appréhender la vie en collectivité, de davantage se respecter. Je crois que plus tôt on le met en place, plus jeune on le fait, plus de chances on a d'obtenir quand ils sont à l'école, au collège ou au lycée, le fait que le climat dans l'établissement soit un climat bienveillant, de respect mutuel. Et je crois beaucoup aux actions en amont, et en plus de tout ce qui est connaissance et savoir à transmettre aux jeunes, de passer par les savoir-être. Et j'ai beaucoup étudié autour des compétences psychosociales, et je crois beaucoup à ça. On parlait tout à l'heure du phénomène aussi de la gestion des conflits par la non-violence, et je suis assez d'accord avec Cosmos sur la bienveillance. Et une des réponses à apporter aussi à toutes ces situations, et pas forcément une réponse, la violence pour la violence, mais d'être aussi dans une réponse un peu plus intelligente et donc faire en sorte que les jeunes puissent comprendre les mécanismes et de travailler sur des situations, les faire réfléchir sur des situations réelles, les jeux de rôle, le théâtre. Les mises en situation font partie des situations de prévention et de faire en sorte qu'on peut peut-être anticiper sur des difficultés et faire en sorte que l'école soit bienveillante. Et si malgré tout la prévention ne suffit pas et qu'il arrive à des jeunes d'être harcelés et forcément à d'autres jeunes de harceler, quelles sont les sanctions qui peuvent être prises quand le cas est bien entendu découvert à temps? La prévention est présente, mais malheureusement, ça n'empêche pas le phénomène. Hein. Ça peut-être le diffère, ça le minimise, mais les situations de harcèlement, de toute façon, seront quand même toujours présentes. En termes de sanctions, je pense qu'il y a effectivement tout acte, tout manque de respect, toute atteinte à autrui, surtout quand c'est dans la volonté d'humilier l'autre, à mon sens, doit être sanctionné. Mais une sanction n'a de sens que si elle va jusqu'à faire prendre conscience à la personne de la portée de ses actes. Et si c'est une sanction pour une sanction, à mon avis, on manque l'objectif. Donc il y a forcément à rentrer dans une dimension éducative. Donc les réponses sont diverses et variées hein, dans les mesures qu'on peut prendre vis-à-vis des élèves. Alors il y a des sanctions extrêmes qui vont jusqu'à l'exclusion définitive ou l'exclusion temporaire parce que parfois c'est la réponse, mais c'est pas forcément que cette réponse-là, parce que sinon je pense qu'on déplace le problème et que le harceleur va pouvoir reproduire ses actes dans une autre situation. Et si on arrive par l'intermédiaire de la sanction à faire prendre conscience de la portée des actes et faire en sorte que le harceleur quelque part arrive jusqu'à la réparation et puis change d'attitude, ben je pense que là on a gagné l'objectif. Voilà. Mais c'est la chose la plus difficile à accomplir. Mais j'ai des exemples de situations qui font que ça peut aller jusque là. Hein. Voilà. Et puis ne jamais oublier la victime aussi et le suivi, parce qu'une fois que la sanction est posée et que la situation semble être réglée, la personne qui était agressée doit être prise en charge, accompagnée, et le traumatisme est là, la blessure est là. Ah, ça, c'est une bonne plaie, je pense. Et je pense qu'il faut absolument aussi orienter les jeunes vers des personnes ressources, des professionnels, et la personne doit être accompagnée. Dans l'établissement, un suivi doit être mis en place pour que le jeune retrouve la sérénité. Il est parfois aussi préconisé d'aller jusqu'à un changement d'établissement. Je trouve pas ça normal. Mais dans le sens de pouvoir permettre aux jeunes de non pas pour le punir. Hein, oui, non, mais moi je trouve pas ça normal qu'on s'empêche d'étudier, qui est un droit en France. Ah, tout à fait. Qu'on s'empêche d'étudier parce qu'il y a des gens tous les jours qui sont là et machin et truc, et toi t'es comme ça. Pour moi, étudier, c'est normal, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, je pense aussi qu'on a beaucoup parlé des adultes, mais moi, ce qui me surprend, parfois m'interroge et me déconcerte et me met en colère aussi, c'est la complicité. Parce qu'on a parlé des harceleurs, on a parlé des victimes, mais on a aussi tous les gens autour qui assistent et qui se taisent aussi. Voilà. Et c'est là-dessus aussi, je crois, qu'il faut agir. Et pour moi, les personnes qui ont assisté à des faits qui ne les ont pas dénoncés sont complices et méritent aussi, de toute façon, d'être rencontrées, d'avoir au moins un interlocuteur qui les met un petit peu face à leurs responsabilités, parce que le simple fait de pouvoir en parler, d'avoir osé franchir le pas et d'aller voir un adulte pour dire qu'il y a des situations qui ne sont pas tolérables, on peut aussi, ça fait partie aussi des alertes, et on peut agir. Alors fort heureusement, il y a des jeunes qui ont ce souci-là et qui vont le faire spontanément, mais il y a trop de situations où des jeunes ont assisté à des choses intolérables et se sont tus, et quelque part on fait en sorte que ce soit amplifié. Voilà. Continuer d'exister, voilà. Puis d'augmenter le sentiment d'impunité des harceleurs qui se sentent tout puissants. Bon, après, on sait pourquoi aussi les jeunes se taisent. Il y a, tout. Je pense que c'est les conséquences par derrière. Des représailles. Voilà. Bah après, ouais, ils peuvent se dire que ça peut leur tomber dessus, quoi. Tout à fait. Oui, malheureusement. Mais si on arrive à briser tous les mécanismes, à identifier les situations et à faire que le harcèlement s'arrête, hein, comme vous le disiez, Sophie, le mal est fait. Hein, c'est une blessure qui reste et qui reste. Tout à fait. Malheureusement à vie, hein. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, je crois que je peux quand même dire que les auditeurs ont un petit peu peur, je pense, de se manifester. Hein. Il me semblait, Cosmos, que tu avais dit que beaucoup voulaient témoigner, mais comme on le voit, le mur du silence est assez difficile à briser. C'est assez difficile de franchir le pas, de libérer la parole. Mais toi, tu as décidé, en fait, de libérer la parole en témoignant pour nous tous. Hein, tu as quand même ce courage-là. Alors, dis-moi, toi, Cosmos, qu'est-ce que tu as vécu concrètement, qu'on voit un petit peu le parcours du combattant que tu as traversé. Oui, d'abord, je voudrais dire à ceux qui étaient harcelés, qui n'ont pas témoigné, on peut toujours briser le mur du silence. Si vous voulez briser le mur du silence, il n'y a aucun souci, vous pouvez me contacter. Mais là, je vais parler de mon histoire. Donc, ça a commencé en sixième, par des petites insultes. Voilà, le petit sixième, tu es nul, machin. Mais une fois, j'étais agressé, mais je suis allé voir le proviseur. Il a fait tout de suite le travail, c'est-à-dire qu'il est allé voir l'élève en question. Il a été sanctionné pendant 2 semaines. Et après, en cinquième, ça continuait. Mais j'allais voir les profs, les proviseurs, je leur disais ce qui n'allait pas. Et j'étais détesté parce que voilà, j'étais la balance. On me disait, faut pas aller avec la balance. J'avais quelques copains, mais c'était parce qu'ils se sentaient protégés, parce que moi, j'osais dire ce qui n'allait pas. Et après, en quatrième, malheureusement, je suis tombé amoureux d'une fille. Et je suis tombé fou amoureux. Et ça s'est vite, très vite, malheureusement. Ça s'est vite su. Excusez-moi, j'ai pas les mots. Et les harceleurs en ont profité pour taguer des trucs pornographiques sur mon casier, dire « elle t'aime pas parce que t'es un bâtardé », parce que ma mère est française et mon père, malheureusement, portugais. Et il me disait... Il a raison, Joachim. Non, malheureusement, dans le terme où j'étais harcelé. Parce que t'étais pas dans la même case que, c'est tout. Oui, voilà. T'étais différent. Ils m'ont dit, voilà, ça fait comme les bâtards. T'es un bâtardé. Oui, carrément, oui, bah, bien sûr. Et vu que j'ai eu un râteau, ils m'ont dit, elle t'aime pas parce que voilà, t'es nul, tu t'habilles pas comme nous, machin. Et alors, justement, il en faut des gens comme toi. Mais le pire dans l'histoire, c'est pas la fille en question, c'est une autre fille qui m'a dit, moi, je t'aime bien. Alors qu'en fin de compte, c'était pour t'humilier par derrière. Oui, voilà. Et un jour, je la vois avec mes harceleurs qui rigolent et elle me dit, on rigole de toi. Et je lui ai dit, bah, pourquoi tu m'aimes pas? Et excusez-moi, je sens que tout le monde va être choqué. Elle m'a dit, t'as cru que je voulais ta bite? Voilà ce qu'elle m'a dit. En quelle classe? Quatrième. Quatrième. Et alors, tous les harceleurs qui rigolent, et moi, je lui dis, bah, je voulais te donner mon cœur. Et elle a dit, j'en ai rien à foutre. Et une grande claque et humiliation devant tout le monde. Voilà, c'était pour t'humilier. Et à ce moment-là, c'est là où je suis tombé dans le gouffre. Je me disais, mais personne ne peut m'aimer alors. Et je suis tombé dans des idées suicidaires. Et je me disais, non, t'as pas le droit de penser ça, t'as pas le droit de penser à ça, t'as pas le droit de pleurer. C'est dur. Je cachais que j'étais mal parce que justement, j'aimais tout le monde. Mes copains disaient, mais ça va pas. Mes copains de la pêche me disaient, mais Maxime, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas avant, t'aimais ça. Mais je disais non, c'est parce t'as que t'as perdu c'est... goût à tes petits plaisirs quotidiens, voilà. Quoi. Je disais que voilà, c'est la puberté, c'est normal. Mais après les crises d'angoisse, voilà, j'ai dû dire ce qui se passait. Bah, tu peux pas le cacher. Et la fille qui m'avait mis un râteau, bizarrement, m'a aidé. Et d'ailleurs, je la remercie. Si tu m'entends, vraiment, je te remercie du fond du cœur. Tu m'as pas fait de mal. Je te le dis, même si tu penses m'avoir fait du mal, tu m'as pas fait de mal. Alors, je t'embrasse très fort. Et comment il fait pour être aussi gentil? En troisième, justement, je m'étais mis dans cette idée, je lutte contre le harcèlement. Et malheureusement, celui qui me soutenait le plus, mon ami, a eu une grave maladie. Et il a dû être hospitalisé. Et moi, je me suis retrouvé tout seul. Mais vraiment tout seul. Même mes amis de la pêche me disaient... Tu te croyais tout seul? Oui, on se croyait tout seul. Tu te penses seul, mais il y a ta famille, ton entourage. Mes amis de la pêche me disaient encore, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Rentrer au lycée, je pense que... je pensais que tout allait bien se passer, mais finalement, tout ce que j'avais gardé en moi... cumulé. Ça a cumulé. Après, j'ai vu le reportage Souffre-douleur, il se manifeste. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais en parler. Mais tout le monde me disait, mais non, c'est passé. Oublie. Et je ne pouvais pas oublier. Ma conscience a oublié, mais pas mon inconscience. Et là, ça a pris. Et là, une crise d'angoisse hyper aiguë, c'est-à-dire où tu fais, la tête fait oui, on perd conscience. Et on essaye de se faire du mal avec n'importe quoi. Je ne vais pas dire les détails parce que c'est impressionnant comme truc. Les médecins m'ont expliqué. Tu veux te faire du mal, quoi, en fait. Et on tombe des nues comme quoi un harcèlement psychologiquement peut faire du mal et voire même faire des crises où on perd conscience et on peut même se trancher la gorge. J'étais à la limite de ça. Et heureusement qu'ils ont bien fait le boulot et que quand j'ai dit tout ce qui s'est passé, le psy m'a regardé et m'a dit « Ne cherche pas, c'est là. Écris-moi ce qui s'est passé. » Et je l'ai fait en slam et il m'a dit « Continue. » Ça t'a fait du bien ? Et ce psy-là m'a aidé, il m'a fait de l'hypnothérapie, il m'a fait découvrir la philosophie, Descartes, tout ça. Et j'ai philosophé sur mon inconscience, mon conscience. J'ai voulu comprendre comment était l'être humain et j'ai compris pourquoi il déteste et pourquoi il aime. Et je pense que c'est le plus important d'aimer parce que l'homme a appris à haïr, malheureusement. Il a appris à haïr. Mmh. Et le harcèlement scolaire, c'est ça. Toute la bêtise humaine commence par le harcèlement scolaire. Alors, si on lutte contre le harcèlement scolaire, il y aura la paix sur la Terre. Peut-être pas, mais c'est bien dit, oui. En tout cas, les droits de l'homme et les droits de l'enfant, ça n'existe pas pour rien. Alors, non au harcèlement. Non au harcèlement, car après tout, hein, tu l'as bien vécu, tu l'as bien pris dans la tronche, on peut le dire. Hein, tous ces mots, ce ne sont pas que des paroles. D'ailleurs, ce sont plus que des paroles. Dernier titre qu'on va s'écouter avant de passer à la fin de l'émission, malheureusement. Donc, plus que des paroles, toujours de Cosmos, de l'EP, plus que des paroles. Et on se retrouve juste après. Je tourne en rond, le temps s'est arrêté. Je suis comme un pion dans ce jeu d'échecs qu'il faut éliminer. Aucune vision, plus d'émotion. À quoi bon vivre si je ne vois plus rien à l'horizon? Un pied dans le vide, je trouve plus mon équilibre. Face à ton cercueil, une larme au coin de l'œil. Je me reproche le pire, je n'ai rien vu venir. Comme un tsunami qui a emporté ton dernier soupir. Perdu dans ce silence, torturé par ton absence. Il y a des jours où je me dis que ma vie n'a plus de sens. Étouffé par ma souffrance, je repense à ton enfance. À tous ces bons moments qu'ils ont détruits par la violence. Plongé dans nos souvenirs, y retrouver ton sourire. Bloqué dans le passé, l'avenir est embrumé. Ta chambre déserte, tes dessins rêveurs, le noir et blanc, gomme, toutes tes couleurs. Plus le temps passe, ton parfum s'efface, les aiguilles du temps emportent toutes tes traces. Aucun médicament, aucun condoléant ne pourront me sauver du néant. Perdu dans ce silence, torturé par ton absence. Il y a des jours où je me dis que ma vie n'a plus de sens. Étouffé par ma souffrance, je repense à ton enfance. À tous ces beaux moments qu'ils ont détruits par la violence. Perdu dans ce silence, torturé par ton absence. Il y a des jours où je me dis que ma vie n'a plus de sens. Étouffé par ma souffrance, je repense à ton enfance. À tous ces bons moments qu'ils ont détruits par la violence. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, émission spéciale lutte contre le harcèlement scolaire avec Sophie Steiner, chef d'établissement, Cosmos des studios Airplay, son papa et Cassandra. On a fait un gros dossier d'ailleurs, oui l'émission va tout doucement, même très très vite devoir toucher à sa fin. Mais pour ceux qui n'ont pas pu libérer leur parole, Cosmos, dis-moi, est-ce que tu suggères quelques associations assez brièvement, pour ceux qui ressentent le besoin de parler, de se sentir écoutés et compris. Alors, il y a l'association Non Harcèlement, qui est l'association de l'éducation nationale, qui a sorti le numéro contre le harcèlement, le 3020. On peut l'appeler et dire qu'on est harcelé. Il y a aussi l'association Marion La Main Tendue, à qui je lui dois tout, parce qu'ils m'ont retweeté, ils m'ont dit que c'était bien ce que je faisais, et ils s'engagent vraiment contre le harcèlement scolaire. C'est l'association de Nora Fraisse, je tiens à préciser. Et il y a aussi l'association Marcellement, qui a été créée par une fille de 13 ans, qui a subi le harcèlement, et son meilleur ami, malheureusement, est mort d'une tentative de suicide. Et suite à ce suicide, cette jeune s'est dit « Je ne retourne plus dans mon collège si on ne fait pas une association ». Et avec ses parents, elle a créé l'association Marcellement. Le symbole de cette association, c'est une petite coccinelle. Et vraiment, ils font bien leur boulot. Et il y a beaucoup, beaucoup d'associations qui se développent. Et il faut que ça se développe. Il faut briser le mur du silence. Je tiens à préciser, il faut le briser. Parce que le mur du silence, il est comme le mur de Berlin. Il doit tomber. Très très belle parole. Et vous, Sophie, de votre côté, en tant que chef d'établissement, qu'est-ce que vous proposez ? De faire en sorte que dans tous nos établissements scolaires, je crois qu'un des combats à mener est de faire en sorte qu'on puisse offrir à tous nos élèves un climat serein dans lequel, et une école bienveillante dans laquelle ils se sentent accueillis et entourés. Voilà. C'est important de le préciser, oui. Et on rappelle qu'à tout moment, hein, vous pouvez contacter ces différentes associations ou le personnel encadrant, hein, les adultes, pour ceux qui sont concernés par le harcèlement. Il y a forcément quelqu'un dans l'établissement pour écouter. Voilà. C'est important, c'est très très important de le préciser et ça va, c'est sur cette note que l'émission va se conclure parce que malheureusement c'est déjà l'heure, on a déjà bien dépassé, je suis vraiment désolée mais bon après ça c'est quand on a un sujet aussi passionnant que ça même si on a déjà dû faire court mais bon on a fait tout ce qu'on a pu. Donc ça va être l'heure déjà de la programmation de la soirée et on retrouvera dès 20h Vincent pour son émission Vivre et créer la montagne et sinon musique jusqu'à demain matin 7h-8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée. Si vous n'avez pas la patience d'attendre demain matin ou si vous voulez la réécouter à tout moment, elle sera disponible en podcast sur notre site internet radioguemouzo.eu, émission et rediffusion rubrique l'heure des loups ou sinon sur notre page Facebook où les différents protagonistes, les différentes pages seront bien entendu taguées indiqué. Pareil pour le site internet, les pages nécessaires seront indiquées avec le podcast de l'émission. Demain, on sera jeudi, donc vous retrouverez plus vers 8h20, Michel pour sa chronique, puis Marion pour la matinale qui vous racontera le programme de la journée. On se retrouvera demain soir 18h-19h pour parler de commerce, de production locale avec Bio Mansoa, des produits qui viennent d'Afrique. Je vous en dis pas plus, on se retrouve à ce moment-là pour en savoir plus à ce sujet. En attendant, Sophie Steiner, Cosmos, Joachim et Cassandra, j'étais très contente de faire cette émission avec vous. C'était vraiment un plaisir et très important de mettre un nom pour le harcèlement. Hein. Après tout, la lutte ne fait que commencer pour prévenir, pour endiguer, pour arrêter et pour guérir aussi. Donc merci beaucoup pour vos témoignages, pour vos apports et pour vos documents. C'était très précieux, tant pour moi que pour les auditeurs. Merci. Et merci aussi aux auditeurs. Hein, si l'émission vous a plu, n'hésitez pas. On est toujours ouvert. Hein. Et puis voilà, je ne retiens pas plus longtemps. Hein, je vous souhaite à tous une très très belle soirée et rendez-vous demain 18h sur le 107. Bonne soirée à tous. Soirée. Bonne soirée.